Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez le sfumato ce matin ? Wesh, gros, total enfumé. D'autant plus que ma nuit fut sans ligne ni contour. Ainsi me voilà vaporeuse et patraque. Du coup, j'ai failli vous proposer une séance de télétravail. Mais très vite, j'ai pris conscience du piège fatal d'une désocialisation. Et bien sûr, j'ai préféré venir à vous. Alors dites-nous, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien justement, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 39 s'annonce pour notre patient comme une petite renaissance. Une renaissance ? Foutre Dieu, mais qui donc est ce renaissance ? Oh là là, vous n'avez pas besoin de 3 jours pour ressusciter vos délires de la gang de Pierre du tombeau. Et justement, question Pierre, voici la première brique. Allez, c'est parti, moustache. Moustache ? La mousse qui tâche ? Un spécialiste des soirées mousse au Macumba, c'est évidemment François Fillon. Mais non, professeur Colin, vous savez bien que monsieur Fillon est plutôt branché soirée t-shirt mouillé au Macumba. Et vous, mouillez-vous pour la deuxième brique ? Duchamp. Duchamp d'honneur, garde à vous, c'est le général Bijard. Bijard ? Vous avez dit Bijard ? Comme c'est étrange, mais ce n'est pas ça. Voici la dernière brique. Joconde. Ah, ok doc, le génie de la Renaissance qui a vu sa Joconde affublée de moustaches par Marcel Duchamp. Nous nous intéressons évidemment ce matin au lumineux Léonard de Vinci. Alors allons-y, professeur Mauduit, et étudions dès à présent ce formidable dossier. Maniez-vous le train, les Florentins, et apportez au labo le dossier de monsieur de Vinci. Allez Léo, à table. Je dois admettre que votre monsieur de Vinci sait observer la nature. C'était un homme de la Renaissance. On l'a interprété, réinterprété, déconstruit. On a fantasmé sur lui à travers les siècles. Vasari le prenait pour un ange. Freud pensait qu'il avait un problème avec sa mère. James Tickert disait l'avoir rencontré, encore qu'on n'ait jamais eu aucune preuve de cette rencontre. Buongiorno, amici. Bonjour, maître. Avez-vous bien dormi ? Trop bien, malheureusement. Léonard de Vinci. Si on exagère un peu, cher monsieur, vous incarnez celui qui aurait à lui seul tourné la lourde page du Moyen-Âge. Oui, nous étions dans l'obscurantisme depuis des siècles, et voilà que vous prenez place dans l'histoire comme l'archétype de la Renaissance, le daron des Lumières. C'est beaucoup pour un seul homme, dites-moi. C'est pourquoi, sans plus attendre, débutons l'analyse de ce patient hors norme par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer précisément ce qui nous turlupine au cœur de cette géniale structure mentale. Bien voyez-vous, professeur Colin, certes, ce De Vinci fut un génie, mais ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est qu'il fut aussi le maître d'œuvre d'un gros gâchis. Car visiblement, notre patient souffrait d'un problème de coordination entre ses pratiques manuelles et la théorie issue de son intelligence. En vérité, la théorie réside dans l'intelligence, mais la pratique est dans les mains. Et c'est pour cela que Léonard de Vinci, suprêmement intelligent, ne se contentait jamais de ce qu'il faisait, et qu'il acheva très peu de choses. Il en disait souvent la cause. Sa main n'arrivait pas à la hauteur de son intelligence. Après un tel aveu, forcément, certains confrères pseudo-freudiens, des charlatans, n'auraient aucun scrupule à affirmer dès lors que De Vinci était bien plus doué pour les vertiges du plaisir cérébral que pour la savoureuse satisfaction de l'onanisme. Bien entendu, cette galéjade psychanalytique est bien trop simpliste à l'égard de la complexité cintrée du dossier qui nous concerne ce matin. Et sincèrement, nous n'aurons jamais trop de nos 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic

et un ingénieur artiste incontournable dans la vie de cour de la pétulante Renaissance italienne. Il est employé au fond comme metteur en scène et comme organisateur de très grandes fêtes. Or, que sont les fêtes de la Renaissance ? Bien entendu, si on parle de Léonard, il faut parler de la Renaissance. Que sont les fêtes de la Renaissance ? Ce sont de grandes machines qui sont faites pour émerveiller le public, qui est un public cultivé, qui est aussi un public très populaire. Ce qu'il faut dire, c'est que la culture de Léonard est à la fois une culture très, très sophistiquée et aussi une culture très populaire. Donc il construit, il cherche à inventer de grandes machines qui vont trouver leur place sur le théâtre et dans les manifestations populaires qu'organise Ludovico à Milan. Donc il se présente comme quelqu'un d'utile, comme quelqu'un qui va être utile, et qui va être utile à quoi ? Qui va être utile à célébrer, au fond, la gloire et le règne des princes qui l'emploient. Mais il faut le penser dans le cadre de la réussite extraordinaire de l'humanisme florentin. Si on l'extrait de l'humanisme florentin, on en fait en vérité un individualiste du 19e siècle, un individualiste français du 19e siècle. C'est pas ça du tout. Vinci est effectivement le pur produit de l'humanisme de la Renaissance. Et l'arrivée des troupes françaises, menées par Louis XI en Italie, bouleverse la vie de Léonard de Vinci, qui quitte Milan pour se mettre au service de César Borgia, frère de Lucrèce et archétype du condottiere. Léonard poursuit ensuite son parcours créatif au service des puissants princes italiens. Il retourne à Florence, puis Milan, puis Rome, où Julien de Médicis, le frère du pape Léon X, devient son protecteur. Et quand Julien meurt en 1516, Léonard, qui a toujours conservé des liens très étroits avec la France, accepte alors l'invitation de François Ier, qui l'attend au manoir du Clou, près d'Amboise. Ainsi, Léonard débarque sur les bords de la Loire, accompagné de ses disciples et serviteurs, Melzi et Battista de Villanis. Le château a l'air assez délabré. Je sais pas si le type est bourré d'argent, mais ça paye pas de mine. Bon, on entre. Ben, hein. Allez, entrons. Allez, entrons. Oui. Attends. C'est rouillé, hein? Oh, tiens, regarde, il y a un larbin, là, sur le perron. Ouais, que ces messieurs veuillent bien m'excuser. Annonce-nous à ton singe et arrête de nous cavaler sur le grand sympathique, pigé. Ok, les gars, j'entrave. Faut se manier le tronc, je vais bonir vos blases insaisies, dis-donc de broquis, je vous le balance en loose-dé. Où sont-ils ? Où sont-ils que je les prête sur mon cœur ? Ah, allez, voilà. Laissez-moi vous regarder. C'est donc... On est ravis de voir comment vous le prenez. Ah ouais, parce que vous n'avez peur que vous fassiez tirer l'oreille. Tirer l'oreille ? Moi ? Mais messieurs, je suis né pour donner de l'argent. Je suis un mécène. Je suis de la race de ceux qui payent pour aider, pour soutenir, pour appuyer, pour renflouer. Léonard de Vinci s'installe donc au manoir du Clou, aujourd'hui devenu le Clos Lucé, protégé par son mécène qui n'est rien d'autre que le roi de France, François Ier. Une estime profonde unit les deux hommes, et le séjour en France permet à Léonard de Vinci de construire son image telle qu'il veut la laisser à la postérité. L'histoire postérieure a, et très vite, dès la première moitié du XVIe siècle, a mis au point une image de Léonard de Vinci qui a recouvert ce que pouvait être la réalité vécue de Léonard de Vinci. Et je crois que c'est là aussi qui fait ce caractère fascinant, parce que Léonard de Vinci se cachait. Il était lui-même. Sa grâce extrême consistait à ne pas manifester ses humeurs, ses tempéraments. Je ne parle pas de psychologie, puisqu'il n'avait pas de psychologie, puisque personne n'avait de psychologie au XVIe siècle. Mais donc, son tempérament, ses humeurs et ses crises, il ne les montrait pas. On a un autoportrait de Léonard de Vinci, bien célèbre, avec la grande barbe, etc. Bien, cet autoportrait, en fait, c'est un autoportrait en philosophe antique. Donc, dans l'œuvre la plus intime qu'il puisse faire de lui-même, il se présente sous le masque d'un philosophe antique. Et c'est pour ça qu'on pense que Raphaël donne à Platon les traits de Léonard de Vinci dans la chambre de la signature. Il donne, en fait, est-ce que c'est Léonard de Vinci ? C'est le philosophe antique. C'est Léonard de Vinci qui s'est conformé à la figure du philosophe antique, et non pas le philosophe antique qu'on a conformé à la figure de Léonard de Vinci. Donc, cette espèce de mystère, de discrétion, peut-être même de secret que Léonard impose toujours, fait partie de sa grâce, de sa puissance et de ce qui nous fascine aujourd'hui. Et Léonard nous fascine aujourd'hui comme il a su fasciner au XVIe siècle le roi de France. Et il faut dire que ce génie a su créer autour de sa personne une aura mystérieuse, faite d'isolement, de carnets sibyllins, voire illisibles, mais aussi d'une grosse ambiguïté autour de sa sexualité. Encore une histoire de mythe. Tous les mythes tournent autour de cette question-là. On peut même penser que toute la sagacité des mythes, c'est pour essayer de résoudre la question des questions, qui est la différence sexuelle. Et vous dites que l'emblème du fantasme bisexuel sublimé, c'est Léonard de Vinci. Oui. Justement, parce qu'il mélange dans la représentation de l'acte sexuel des éléments masculins, féminins, avec des erreurs anatomiques révélatrices. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas un hasard si le fondateur de la méthode anatomique et du dessin, d'ailleurs, était fasciné par le dessin, et notamment par le dessin anatomique de la différence sexuelle. C'est pas un hasard si il était également lui-même dans une position sexuelle complexe que Freud a étudiée. Je suis la voix de la sagesse. Je dispense la connaissance. J'aide les jeunes à combattre leurs peurs. Comment vous savez ? Jetez à l'œil, petit. Quand tu t'entraînes dans les couloirs, quand tu traînes dans les vestiaires, que t'es en train de te doucher, que tu fouettes tes potes avec une serviette mouillée. T'as l'air d'aimer ça, en tout cas. Et l'idée de bisexualité, c'est l'idée qu'il y a une dualité, une duplicité sexuelle, en quelque sorte fondatrice. Une duplicité sexuelle, en quelque sorte fondatrice. Voici une bien étrange analyse de la psychologie de Vinci. Car il n'est pas pensable d'imaginer le vieillard du Clos Lucé, cet érudit plongé dans ses recherches, accaparé par les désirs de la chair. Jusqu'à ses derniers jours, Léonard s'enfermait seul dans son laboratoire pour inventer le parachute, l'avion ou le char d'assaut. Non, vraiment, Vinci est loin d'être un dépravé. Venez, je veux vous montrer mon laboratoire. C'est ici, dans cette pièce, que j'explore sans cesse le sexe. C'est là que je me recueille avant que le monde ne consacre mon génie. Ici, j'étudie l'éjaculation précoce chez les hippopotames. Je ne savais pas que les hippopotames avaient des problèmes. Ici, j'oblige un homme à avoir des relations sexuelles avec un énorme pain de seigle. Ils s'entendent très bien. Est-ce qu'au moins l'expérience profitera à quelqu'un ? Non, pas du tout, mais ça fera réfléchir ceux qui vous croient fous. Venez. Oui, bon, d'accord. Les méandres de l'esprit, même chez les génies, sont parfois retors. D'ailleurs, François Ier, le mécène de Léonard, a eu à en pâtir, et tout ça pour une femme. Je veux ce tableau. Sa Majesté le Roi désire absolument acquérir la Joconde. Non, il n'en est pas question, elle n'est pas à vendre. Que tout cet or retourne à Sa Majesté, vous entendez ? Sa Majesté ne sera pas contente. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, et non ! Je vous en supplie, sire, rendez-la-moi. Merci, Votre Majesté. Puisque vous l'aimez tant, je vous promets, sire, qu'à ma mort, elle sera à vous. Léonard profitera peu de son tableau. Il va s'éteindre en 1519. Cortés est au Mexique, Magellan autour du monde, Charles Quint est empereur. Léonard de Vinci s'éteint donc en 1519, après avoir traversé la Renaissance, dont il fut un acteur majeur. Les hommes ont changé leur vision du monde, désormais beaucoup plus rond et doté d'un nouveau continent. Alors, le professeur Daniel Arras nous le rappelait tout à l'heure, Léonard de Vinci n'est sans doute pas une exception dans l'Europe de la Renaissance. Et bien d'autres ont été des génies en avance sur leur temps. Mais sans doute aucun d'eux n'a touché l'excellence dans tous les domaines et surtout aucun ne s'est doté d'une image aussi forte qui fait de Léonard de Vinci une figure universelle, un humanisme intellectuel qui demeure sans conteste une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, voici Vinci qui s'avance face à nous, superstar imposé de l'histoire de l'art, Léonard de Vinci, maître de son art, qu'il fascina ses contemporains et qu'il alimente encore aujourd'hui nos fantasmes d'ésotérisme. Mais Vinci fut-il réellement détenteur de secrets chauds bouillants ? C'est évidemment la thèse de l'opportuniste Dan Brown dans son ouvrage « Le Da Vinci Code ». Best-seller mondial et escroquerie notoire, dans son roman, Dan Brown s'amuse des faits historiques, détourne les interprétations et utilise des documents bidons sur la prétendue société secrète du prieuré de Sion. Il n'est absolument pas interdit de faire de l'histoire-fiction, et pour Alexandre Dumas, il est même permis de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Sauf qu'avec le Da Vinci Code, Dan Brown joue de la confusion entre la réalité et la fiction. Il laisse planer un doute idiot sur l'existence d'une société secrète chargée de protéger le plus grand secret de l'Église. Non pas que Benoît XVI fasse des bulles papales avec ses capotes, mais que Jésus aurait mis Marie-Madeleine en cloque. Dan Brown imagine un immense complot à travers les âges dans un patchwork d'indices disséminés dans des œuvres de Léonard de Vinci. Alors écoutez, professeur Colin, je me suis moi-même penché sur les tableaux de Léonard et à l'instar de Dan Brown, j'ai repéré quelques éléments troublants. Bon, déjà, ce n'est pas dans la scène que Léonard a peinte pour l'église Santa Maria delle Grazie de Milan qu'il fallait rechercher des indices. Dan Brown s'est planté. Le tableau qui permet de tout comprendre, c'est la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne conservés au Louvre. Alors, que voit-on sur ce tableau ? Oui, que voit-on dans ce tableau ? Eh bien, Freud nous dit un vautour. Soit, mais moi j'y vois surtout que la grand-mère de Jésus est en âge d'aller en maison de retraite. Écoutez bien, c'est un signe évident que nous a laissé Léonard de Vinci. Sainte Anne est en âge, donc elle sue Anne, ce qui nous conduit évidemment à rechercher un nouvel indice chez Marcel Proust, spécialiste de la Madeleine, où, ce n'est pas un hasard, dans Un amour de Swann, Odette de Crécy ressemble à la Sephora peinte par Botticelli dans la chapelle Sixtine, pour laquelle a travaillé Michel-Ange, qui fut proche de Léonard, ce n'est pas une coïncidence. Or, Odette de Crécy est une amie de la duchesse de Guermantes. Guermantes, professeur Colin. Et c'est peut-être là le grand mystère que le Da Vinci Code n'a pas su révéler sur les dessous du Vatican. Dan Brown et Joseph Ratzinger mentent. Car le pape joue les saintes nitouches. Mais dans la chapelle Sixtine, les papes représentés à mi-hauteur sur les parois nord et sud portent la tiare d'argent avec les trois couronnes d'or. C'est irréfutable. Benoît XVI a toujours voulu le cacher, mais dans la chapelle Sixtine, le pape n'a pas de calotte. Excellente démonstration, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Horripilant touche à tout, en avance sur son temps. Cela dit, le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, un génie universel, maintenant habitué à ce qu'on se lève dès qu'il s'approche. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal. Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal. Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Que ses chaussettes de belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête. Il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé. Et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. En pas avec les pieds, non. Oh, bon, si. Tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny. J'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal. Fais-moi mal, Johnny. C'est ce que réclame ici le garçon boucher François Hachi Lazzaro. Un homme plein de vie, truffes-tu pas? Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir croqué les grandes étapes existentielles qui ont inventé la structure mentale de notre patient au pinceau, il est temps, me semble-t-il, d'essayer d'analyser ce panneau en bois de peuplier exposé au Louvre pour y déceler peut-être quelques aspérités psychiques vigoureusement enfouies chez Léonard de Vinci. 77 cm de haut et 53 cm de large. Voici les modestes mensurations, non pas de Léonard, mais de l'œuvre d'art sans doute la plus célèbre au monde, la Joconde. Jamais un tableau n'aura provoqué autant de théories, de légendes ou de parodies. Peut-être parce qu'il représente, entre autres, l'un des premiers sourires dans l'histoire de la peinture. Et pourtant, crois-moi, entre 1503 et 1506, Léonard de Vinci s'est battu comme un diable pour obtenir ce célèbre rictus de Mona Lisa. Madame, ça serait bien de sourire un minimum, hein ? Plus cool. Un peu plus naturel. C'est presque ça. C'est mieux. T'as pas une couleur pastel, j'ai pas un truc un peu plus frais. Pourquoi c'est pas frais ? Non mais il a raison, votre mari. Hein. Bien vu, en pro. Je vais y aller, moi, j'ai trouvé un truc dans tes placards. Non, je vais y aller, je préfère. Non, j'ai besoin de vous sur la photo. Bougez pas. Elle sourit. Est-ce un sourire ? Si oui, quel sens a-t-il ? Vinci répond en technicien. Cette femme regarde en toi l'enfant. Et elle regarde l'enfant comme une mère regarde son enfant. Et cette mère regarde quelque chose de précis, un instant précis de l'enfance. Elle regarde les premiers pas de l'enfant. C'est-à-dire, il marche. Quelle merveille. Mais il s'éloigne de moi. Quelle tristesse. Oui, Madonna Lisa est un peu notre mère à tous, et à travers laquelle s'exprime toute la perversité de Léonard de Vinci, puisqu'il nous inflige devant sa Joconde cette culpabilité consciente et sournoise d'avoir été contraint, pour nous sauver et sauver notre âme, de faire souffrir notre propre mère. Le regard de la Joconde, c'est la sérénité goguenarde de ta mère qui te rappelle qu'avant toute émancipation, tu fus sa créature. Redoutable Léonard de Vinci, qui d'ailleurs a conservé sa Joconde auprès de lui jusqu'à la fin de sa vie, y compris lorsqu'il s'est installé au château d'Amboise. Ensuite, parions que c'est Louise de Savoie, la mère de François Ier, que le roi de France a transférée sur le visage de Mona Lisa lorsqu'il en est devenu l'heureux propriétaire en 1519. Non, ne touchez pas à celle-là. C'est à moi de l'ouvrir. Je vais moi-même y prendre et vous le présenter le plus beau des portraits qu'il y ait sur la terre. Descendez donc ce tableau-ci. Venez toutes, mesdames. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'ont coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde. Prenez modèle un peu sur ce divin sourire. C'est moi que je suis la Joconde. Léonard m'a cru gironde. On sait que Léonard vagabonde. Mais que voulez-vous qu'on réponde ? C'est vrai que je suis pas trop immonde, la Joconde. C'est vrai que je suis pas trop immonde, la Joconde. Certes, la Joconde n'est pas immonde, mais est-elle vraiment belle ? Eh bien là aussi, c'est un peu comme ta mère. Il est toujours difficile d'appliquer des critères esthétiques à sa génitrice. Ou alors, c'est une jalousie malsaine qui s'instaure entre une mère et sa fille, et pour les garçons, c'est le symptôme d'un sérieux complexe d'Œdipe non dépassé, comme ce fut peut-être le cas pour Louis XIV, qui exposa Mona Lisa dans son cabinet privé jusqu'en 1650. Un siècle plus tard, Bonaparte fit la même chose au Palais des Tuileries, mais là, carrément dans la piaule de Joséphine, je te laisse imaginer le degré de complexe œdipien napoléonien. Et c'est en 1804 que la Joconde retrouve définitivement les cimaises du Louvre, où là, bien entendu, de nombreux visiteurs illustres ont été eux aussi fascinés par ce visage énigmatique. « Quiconque a vu ce tableau une fois ne peut jamais l'oublier », proclame George Sand. Et Michelet, cette toile m'attire, m'appelle, m'envahit, m'absorbe. Je vais à elle malgré moi, comme l'oiseau va au serpent. Le ton monte. Gautier. Ne dirait-on pas l'Isis d'une religion cryptique qui entr'ouvrirait à demi son voile, dû l'imprudent qui la verrait ainsi tomber à ses pieds et mourir? Bientôt, Walter Pater signe le texte qui va marquer plusieurs générations. Elle est plus vieille que les rochers qui l'entourent. Comme le vampire, elle est morte maintes fois et elle sait les secrets du tombeau. Elle a visité les mers profondes et en garde autour d'elle la lumière affaiblie. En elle, l'âme a passé avec toutes ses maladies. Bref, c'est l'énigme même que pose ce regard, ce sourire, qui escorte la fièvre romantique, où la femme tient la place royale sous ses aspects les plus changeants. Prostituée, humble ou princière, ou encore ange inaccessible, entrevue dans quelques vies antérieures peut-être. Assurément, Léonard de Vinci fut un être stupéfiant. Car franchement, dans l'histoire de la peinture, des portraits, il y en a comme il pleut à Gravelotte. Et pourtant, sans conteste, sa Joconde a supplanté tous les autres et ses visiteurs n'ont cessé d'être envoûtés, qui plus est, sans comprendre réellement pourquoi. Alors, le mystère de Mona Lisa réside peut-être dans son patronyme italien, Giocondo, qui signifie « heureux ». Et Léonard de Vinci avait sans doute conscience de peindre non seulement le portrait d'une femme, celui de ta mère, mais aussi le portrait d'une expression, celui de la sérénité. D'ailleurs, au XXe siècle, en janvier 1963 précisément, Mona Lisa fut investie d'une mission internationale afin justement d'apaiser certaines tensions diplomatiques. Eh bien, je pense qu'à l'Élysée, ce matin, en Conseil des ministres, on aura été heureux du succès de notre nouvelle ambassadrice aux États-Unis, Mona Lisa la Joconde. La seconde grande dame que la France nous envoie, devait dire le président Kennedy, vous savez que la première est toujours là-bas, c'est la statue de la liberté. Mais cette amitié franco-américaine, dont personne ne doute, cette amitié scellée sur les champs de bataille, elle connaît en ce moment certaines épreuves. Personne n'ignore en effet que le président Kennedy et le général de Gaulle ont sur la stratégie atomique des conceptions quelque peu différentes, et ce n'est pas sans malice que le président Kennedy y a fait allusion hier soir à propos de Mona Lisa. In view of the recent meeting at Nassau, I must note further that this painting has been kept under careful French control, and that France has even sent along its own commander-in-chief, Monsieur Malraux. Dans la perspective des accords de Nassau, je tiens à dire que la Joconde reste sous le contrôle de la France et que la France nous a même envoyé son commandant en chef dans le domaine des arts, Monsieur André Malraux. Mais il faut dire encore que les États-Unis veulent aussi une force artistique, bien à eux, une force artistique indépendante. Eh oui, 4 siècles plus tard, toujours par l'intermédiaire de sa Joconde, cet incroyable Léonard de Vinci fut une habile médiane entre Charles de Gaulle et John Fitzgerald Kennedy. Ahurissante postérité. À ce propos, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, comment précisément M. De Vinci a mis au point un étrange procédé pour ne jamais disparaître des mémoires au fil des siècles. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression en miroir afin de déchiffrer cette énigme spéculaire qui nous dévoile le secret de l'éternité conquise par Léonard de Vinci. L'interne et l'autre brillant, pointez-vous au labo pour une démonstration à tempéra. Now wait a minute. Do you realize what you're saying? Buongiorno, signore. Professeur, pardon. Le déglingo du jour serait donc le scientifique et écrivain et peintre et architecte et anatomiste, enfin, le génial Leonardo da Vinci. Eh bien, sachez que pour ce patient, au curriculum vitae bien chargé, il m'a fallu décrypter les œuvres scientifiques de De Vinci pour expliquer un tel génie. Si l'on laisse de côté le peintre de génie, Léonard de Vinci, n'a-t-il été dans ses spéculations intellectuelles qu'un visionnaire ? si vous voulez, il y a toujours un chez Léonard cette double chose. Théoriquement, sur le papier, c'est absolument éblouissant. Ces dessins ont ceci de remarquable, c'est que ce sont des dessins d'un modernisme extraordinaire. Et c'est surtout à partir de 1499, en tant qu'ingénieur officiel de la ville de Venise, que Léonard va développer ses dons de visionnaire. Mais à l'aube du XVIe siècle, il valait mieux rester discret question découverte. Ainsi, ce fut seulement à ses proches, comme à son élève Salaï, que Léonard dévoila une machine pour le moins surprenante. D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves, et celui-là te dit d'où tu es parti. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel ? Oh, ça alors, c'est super dément, Doc, c'est génial. Et oui, pour avoir dessiné un hélicoptère, construit un scaphandre et imaginé un parachute, c'était bien dans le futur que Léonard a pu trouver toutes ses idées. Mais faire un voyage de plusieurs siècles, ça vous colle un de ces jet lags ? Ils m'ont drogué avec des boules roses qui m'ont forcé à dormir. Ce qu'il appelle les boules roses, c'est du dragonal. J'en ai donné à haute dose, il a à peine somnolé 2 heures. C'est un costaud, hein ? Vous, l'apothicaire, je vous ordonne de me laisser partir sur le champ. Un instant et on y réfléchit. Je ne suis point malade ni folle dingo. Je viens simplement de très très loin. Je pense que personne ne comprend ni qui il est, ni d'où il vient. Délire de persécution. Il ne se rappelle de rien, il est complètement amnésique. Il sait même pas qui est Michel Drucker. Amnésique, mais le pauvre ! Amnésique sûrement pas. Et Léonard compta bien mettre à profit toutes ses connaissances pour comprendre les dernières évolutions. Mais avec 4 siècles de décalage, le bond dans le futur était peut-être un peu trop rude à assumer. Dites-moi, j'ai un problème avec mon Mac G5. Combien de RAM il me faut pour faire marcher mon système 9.6 ? Apparemment, le salon du Mac est out. Vous devez être un homme hors du temps. C'est de la folie, qui était-ce ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Les femmes ont changé depuis votre époque, Léo. Écoutez, sans votre respect, je ne peux pas vous laisser vous balader dehors en liberté. C'est vrai, regardez-vous, vous avez l'air d'un psychotique évadé d'une fête de la Renaissance. Bon, c'est vrai, s'attaquer directement à l'informatique, c'est mettre la barre un peu haut. Et vu l'accueil, Léonard opta pour un retour fissa au XVIe siècle, en y emportant tout de même des idées plus probables à développer. La bicyclette, par exemple, la bicyclette est assez improbable. Mais en revanche, le pédalier muni d'une chaîne articulée est une chose tout à fait prodigieuse. Et le dessin qu'en fait Léonard est absolument parfait. Seulement, en quoi pouvait-il la construire ? En bois ? Une chaîne de bicyclette en bois, ça peut faire, oui, 500 mètres, 1 km peut-être avant de se casser, mais pas davantage. Mais si on ne garde de Léonard de Vinci que des dessins de vélo, il ne faut pas y voir là un échec de construction, mais plutôt un outil d'interprétation. De très nombreux amateurs d'art non comprenants me demandent s'il existe un moyen discret de reconnaître au premier coup d'œil la Joconde du Joconde. Alors, réfléchissons. Prends ta tête à deux mains, mon cousin. On reconnaît la Joconde du Joconde exactement de la même façon qu'on reconnaît un homme d'une femme, à la forme de son vélo. Étonnant, non ? Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même. Remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation spatio-temporelle qui nous confirme au final ce matin que les excentricités de Léonard de Vinci conduisent encore certains d'entre nous à ne pas savoir réellement distinguer, par exemple, l'authenticité du sexe de la Joconde. Et pourtant, franchement, ce n'est pas très compliqué. Et pour terminer un bon gag, la femme la plus admirée du monde serait en fait un homme. Des centaines de générations d'amateurs d'art ébahis auraient été grugées par son insondable sourire. Figurez-vous que la Joconde, alias Mona Lisa, était un travesti. C'est du moins le verdict apparemment scientifique rendu par un ordinateur américain qui a comparé le célèbre tableau à un autoportrait de son auteur, Léonard de Vinci, et qui en a déduit que l'une et l'autre ne faisaient qu'un. Et c'est ainsi que De Vinci devint ça. France Inter, 19h18, merci d'avoir écouté ce journal. C'était le journal de Patrice Bertin. Bien, après avoir découvert à l'instant que Mona Lisa est un homme, enfin, que c'est un autoportrait de Léonard en drag queen Quattrocento, il est temps dès à présent d'entamer l'ultime partie de notre analyse afin de pointer les résurgences contemporaines de la psyché de notre patient dans notre société en manque de renaissance. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre savant florentin au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée ce matin « Le silence des mammouths » et dans laquelle nous allons constater justement qu'il ne suffit pas d'être un savant pour devenir un élégant artiste à la cour du prince de Machiavel. L'expert jungien, pointez vos olapons et apportez la grappin. Analyse. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Celui qui nous intéresse le plus refuse toujours de coopérer. Je veux que vous tentiez de l'approcher à nouveau à l'asile. Je serais très surpris qu'il vous fasse des confidences. Mais je veux pouvoir dire qu'on a tout essayé. On se méprend toujours en faisant de Léonard de Vinci le précurseur, notamment de la révolution scientifique. Parce que la science commence lorsqu'on distingue la beauté de la vérité, lorsqu'on sépare l'astronomie de l'astrologie. Pour répondre à vos questions, le professeur Claude Allègre, qui est chef du service de géochimie à l'Institut de physique du globe, faculté des sciences de Paris. Ça, c'est une grande question, hein. C'est même la question. Alors, je crois que avant de partir dans des données, il faudrait donner une petite base d'abord de temps. Le problème est de savoir combien ça a duré, toute cette affaire. Il faut être très prudent dans ce domaine parce qu'on n'a pas de film d'origine. On m'envoie une élève, à moi. Oui, je suis étudiante. J'ai beaucoup à apprendre de vous. Ah, on peut effectivement décrire l'itinéraire de Léonard de Vinci comme une ascension sociale par le savoir. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Mais qu'est-ce que s'il y a des responsables syndicaux dans la salle, c'est pas des journalistes, comment? On laisse passer n'importe qui maintenant dans cette... Il n'y a pas de tri, alors ça m'étonne pas. Ah, c'est la tradition. Quand la tradition nous paraît bonne, on la garde. Quand elle nous paraît pas bonne, on la change. C'est vous qui avez fait tous ces dessins? Ah, ça c'est le dôme, vu du belvédère. Vous connaissez Florence? Il n'y a pas de cours à Florence. Donc comme il n'y a pas de cours, on ne peut pas être artiste de cours. Et pour que cette renommée soit convertie en honneur social, il faut partir. Allègre au gouvernement, tout le monde est contre, sauf Sarkozy, donc ça pourrait se faire. Claude Allègre est un homme qui a des qualités énormes. C'est un type vraiment créatif. Et puis disons-le, il a aussi des défauts énormes. Claude Allègre, si un type ne lui revient pas, il lui fout deux claques. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Vois-tu, l'épilogue de cette petite fable que nous venons de découvrir peut également se dénicher parmi les nombreux et fantastiques aphorismes que nous a légués Léonard de Vinci. Tiens, par exemple, détourne-toi des préceptes de ceux qui spéculent sur le monde, mais dont les raisons ne sont pas confirmées par l'expérience. Ou encore ceci, quiconque mène une discussion avec autorité ne fait pas preuve d'intelligence, mais se sert simplement de sa mémoire. Et que dis-tu de celui-ci? Le mal est notre ennemi, mais ne serait-il pas pire qu'il fût notre ami? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit d'observer justement comment, une fois encore, ces forces obscures qui se prétendent amicales tentent aujourd'hui de s'agréger l'héritage et la renommée de notre fabuleux Léonard. Ah, vraiment, c'était une fameuse pizza. Ça m'a fait plaisir, Leonardo. Tu as l'air bien triste. Oui, et je reconnais que je suis un peu inquiet, c'est vrai. À propos de quoi? Ce soir, coup de projecteur sur une rentrée particulière, celle de l'université privée Léonard de Vinci, à Courbevoie, plus connue sous le surnom de Fac Pasqua, cette université d'un nouveau genre. Léonard est gérant d'une entreprise de nettoyage industriel, mais son travail prend souvent le pas sur sa vie personnelle. Vous avez fait une démonstration de décapage à base de bicarbonate de soude. Le travail pour moi est plus important que l'amour, c'est la priorité numéro un. et l'INSEE se sent parfois délaissé. Ce que je reproche à Léonard, c'est... J'aimerais plus qu'il soit présent dans ma vie, encore plus de ce qu'il y est. C'est très bien que le but de cette aventure, c'est de retrouver un Léonard qui est tout le temps là pour moi. Ils sont plus jaloux que d'habitude. En voulant confronter son couple à la tentation pour faire réagir Léonard, l'INSEE ne prend-elle pas le risque de tout perdre ? Certes, devant son Léonard, cette Mona l'INSEE ne manque pas de faconde, mais avoue tout de même qu'elle est un peu moins mystérieuse que notre formidable Joconde. Cela dit, faut-il s'inquiéter de ne recenser que de piètres résurgences contemporaines de la psyché de notre patient ? Assurément non, et rassurons-nous, car il existe heureusement, depuis les années 60, d'authentiques héritiers de Léonard de Vinci. Des humanistes à l'esprit d'innovation qui se sont beaucoup intéressés aux travaux d'invention du maître, qu'ils ont d'ailleurs tenté de perpétuer à leur manière. Léonard de Vinci est né en Italie il y a plus de 5 siècles. On le connaît surtout en tant que peintre de la Joconde, le tableau le plus célèbre du monde. Mais il fut également un ingénieur hors pair, un inventeur. À l'aide d'appareils spéciaux, pomposcopes, pompographes et autres, on détermine ce qu'on appelle son électropompogramme de Bach. 300 ans avant la mise au point définitive du scaphandre, il conçut un moyen de marcher au fond de la mer. Il y avait de l'eau en haut, de l'eau en bas et même de l'eau au milieu. Le masque doit être équipé de lentilles de verre. Un matériau que Léonard de Vinci pouvait trouver facilement, puisque vers 1500, Venise était la capitale de la verrerie. Ils avaient installé un système compliqué de tuyaux pour pomper l'eau de la planète et la mettre à sec. L'idée de Léonard était d'assurer la respiration par un long tuyau fait de bambou creux. Quand les Shadocks se trouvaient devant un grave problème et qu'ils ne voyaient pas très bien comment faire... Eh bien, il pompait. De toute façon, il disait, ça pouvait pas nuire. Une armée sous-marine. Des hommes agiles comme des poissons, équipés d'armures, permettant leur déplacement dans la mer sans jamais manquer d'air. Et selon leur disposition naturelle, ils suivaient des cours de perfectionnement. Mathématipompique ou physipompique, géopompographie ou ciné-pompographie. Les bambous sont reliés entre eux par un manchon en peau de porc. Pour ceux de nos téléspectateurs que la technique intéresse, disons que quand on pompait avec ça, non seulement il ne se passait rien comme avec une pompe Shadock ordinaire, mais plus on pompait, plus il n'y avait rien qui se passait. C'était quand même une sécurité. Les dessins de Léonard montrent qu'il n'ignorait pas les effets de la pression de l'eau. Il a placé un ressort à l'intérieur du manchon pour l'empêcher de s'écraser. Les poissons volants, au début, trouvaient ça amusant et venaient les regarder travailler. L'expérience est une réussite totale. Jackie parvient à arpenter le sol de la lagune, exactement comme Léonard de Vinci l'avait décrit. Pour la nourriture, eh bien c'était facile. Les marins Shadocks sous l'eau allaient à la pêche. Dans ses carnets, on trouve, outre le scaphandre, des centaines d'idées de toutes sortes, aussi en avance sur leur temps. La tomato-communication de masse. Des catapultes, des presses d'imprimerie, des moteurs hydrauliques et des moulins à vent. Sans parler des arts et des techniques libido-sexographiques, et j'en passe. Arts et techniques libido-sexographiques. De merveilleuses inventions des Shadocks dont nous ignorons encore l'étendue de ces découvertes scientifiques dans les siècles à venir. Enfin bon, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre sublime patient florentin, revenons immédiatement au sein de notre ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques vinciniennes. Alors comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute un brin néo-sfumato, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien Léonard, de Veni, Vidi, Vinci. Avec tes cheveux en spaghettis, ouais c'est sûr, t'as pas inventé le fer à friser. Sinon, t'aurais appelé Belle Deschamps et t'aurais inventé le clacos allégé. Non, toi, t'as inventé les plans de l'hélico. Illico, presto. T'as inventé le parachute doré. Léonard, le géo trouve tout. T'aurais pu inventer la montre à quartz si à ton époque, il y avait eu l'heure juste. Mais non. Et quand on te demandait l'heure, tu répondais « Il est 11h05, bien que Catherine, Médicis. » En tout cas, tu peux dire merci au roi de France, hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Eh oui, merci, en choix pommier. Sacré Léonard, t'as la tronche de Panoramix, le druide. Eh, t'as de la potion magique, du Viagra, et tu m'enfiles. Que je devienne le père Fouras pour enfumer les fortes boyardes. Je suis trop con. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Et le ministère psychique reste frappé par l'agitation créatrice de Léonard de Vinci, qui d'ailleurs ne cesse d'être encensé. Enfin, Léonard ne fait pas l'unanimité. Moi, j'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. Je suis assez d'accord. Moi, on me le demandera jamais. Mais si on me le demandait quand même, je répondrais, pour moi, c'est le grand art. Et c'est le grand art parce que dans l'impressionnisme, on reconnaît tout. Et en même temps, c'est pas pareil. Tout à fait juste. Alors qu'avant, Léonard de Vinci, par exemple, on reconnaît tout aussi. Mais c'est pareil. La Joconde, elle était pareille que sur le tableau. Dans la vie ? Très pour très. À quoi ça sert de la peindre, alors ? Je vous le demande. Ouais, de toute façon, je le supporte pas, Léonard de Vinci. Son côté, monsieur, je sais tout faire, peinture, sculpture, bricolage et j'en passe, ça m'horripile. Mais ça, c'est le côté très ragnard des Italiens. En tout cas, chez les impressionnistes, pas en italien, tous français, c'est la différence. Les chômeurs français. Mais là, on pouvait être fiers de nos chômeurs. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on aurait 10% d'impressionnistes dans la population active. On n'en serait pas là. 10% d'impressionnistes dans la population active, c'est utopique. Tandis qu'il est certain que nous en avons un peu plus en politique. Allez hop ! Dehors, Léonard ! Libéré pour 20 citations à l'intelligence ! Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais... qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 39e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin à Léonard de Vinci, un aimable vieillard, la fable à barbe. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique. Le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco. Assister aujourd'hui à la technique de Mathias Aléon, c'était parfait, merci Mathias. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaujolais et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Elsa Denac, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine, le ministère psychique reçoit un patient dur à cuire puisque nous recevrons Marguerite Duras-Cuir. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Manchin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?